délicat à manier rapidement et en facilement, et c'est propice à des malentendus. C'est parce qu'on peut voir ça aussi comme une démarche d'assimilation, parce que vous parlez de personnes qui ne sont pas des natifs, qui n'ont pas été élevées comme ça dans la culture commune. Avec qui ils ont acquis avec le lait de leur mère, comme on dit. Et on pourrait entendre que vous dites comme étant cet arrachement serait une acculturation, un arrachement de la culture initiale et l'enracinement dans la culture d'arrivée, qui est la culture française. J'imagine que ce n'est pas dans ce sens-là que vous l'entendez, en plus avec votre expérience en Afrique noire et blanche avec la francophonie, même la référence au national devient délicate, non ? Parce que qu'est-ce qu'on peut changer ? Qu'est-ce qui peut faire que l'on inclut des personnes on identifie d'abord comme étant membre de communautés culturelles différentes, donc avec des pratiques, des savoirs, des croyances, des routines qui peuvent être morales aussi, qui peuvent être différentes des nôtres. Et comment faire en sorte de faire voisiner ces pratiques, on le voit par exemple avec les questions de voile dans notre culture, qui heurtent en effet à la fois des pratiques religieuses, enfin actuelles, le sentiment qu'il y a une religion qui est bien de chez nous, qui a été, disons, sécularisée et qui fait partie de notre culture commune. Et puis cet appel à des formes de manifestation comme ça, d'appartenance autre, qui nous sont complètement étrangères, et que l'on doit soit rejeter, soit minimiser, marginaliser, cantonner, à la sphère privée, ou bien intégrer dans notre espace public, mais comment, sans se sentir nous-mêmes agressés par ces formes-là, par exemple. Moi, il me paraît très important de revenir à la généalogie de ce problème du voile. Il y a une construction en France du problème musulman, ce que montre très bien Adelali Ajat, par exemple. Et que cette construction du problème musulman, elle a été très largement portée par des élites, à la fois médiatiques, politiques, intellectuelles, qui organisent, ou qui sont co-présentes dans les champs politiques et intellectuels et médiatiques. Et il y a une véritable construction de cette question, et donc une construction, y compris de la phobie du voile, qui ne posait pas ou qui ne pose pas nécessairement de problème. Si on descend, c'est-à-dire si on quitte, ce qu'on voit bien, c'est que on est dans un débat qui est très hystérisé au niveau de la représentation, et on parlait tout à l'heure des rapports sur l'intégration qui ont justement fait l'objet, la polémique a justement été organisée par cette hystérisation-là. Si on descend dans les pratiques réelles, les choses sont, pour une part, beaucoup plus souple. Je pense à la thèse de Clémentine Vivarelli, qui a travaillé sur les pratiques à l'égard du voile, et à l'égard, notamment à l'égard du voile, ou à l'égard des revendications relatives à l'islam, par exemple, à l'école, qui a travaillé dans l'Académie de Strasbourg, qui est pourtant identifiée et mise en avant, y compris par le gouvernement, comme l'une des académies les plus concernées par les problèmes de voile. Et ce qu'elle constate, dans tous les établissements scolaires, c'est des formes d'arrangement, de compromis qui sont organisés avec ces questions-là pour que les choses puissent se faire et pour que les enfants puissent avoir accès à l'école et que les parents aussi puissent avoir accès à l'école. Donc il y a un vrai décalage entre l'ordre des pratiques et qui est une recherche de compromis, ce qu'on voit également sur le plan juridique, globalement, la trajectoire juridique d'une recherche de compromis réel autour de ces questions-là, et le refus de cette logique de compromis qui est portée vraiment, pour le coup, au niveau d'une représentation et d'un discours élitaire Et là, il y a un écart tout à fait considérable. Donc moi, à mon sens, la question, elle ne se pose pas du tout dans ces termes, ou plutôt, si elle se pose dans ces termes, c'est l'effet de cette construction-là, qui est assez éloignée, en fait, des pratiques qu'on peut observer la plupart du temps. Moi, j'ai travaillé encore récemment, par exemple, dans la région PACA, avec des syndicats et des syndicalistes concernés et préoccupés par ces questions qu'ils définissent comme des questions de laïcité. Alors, ce qui est très, très étonnant, c'est que le Conseil d'État lui-même, à chaque fois qu'il s'est prononcé sur ces questions, dit « mais la question du poil n'est pas une question de laïcité ». En fait, ça n'est pas juridiquement de cet ordre-là le problème. Donc, voilà, on le renvoie finalement sans cesse à ces questions, mais cette manière même de renvoyer la question et de dire « ça met en crise le modèle national » n'est pas une construction ni vraiment juridique, ni vraiment professionnelle. Que ça pose des questions et des défis aux professionnels, ça c'est évident. Et dans les lycées, dans les collèges, etc., il y a un certain nombre de problèmes. Par contre, ce qu'on a essayé de pointer dans le rapport, dans notre rapport, c'est combien l'hystérisation de ce débat empêche précisément les professionnels de construire des solutions viables. Et les empêche d'une manière assez claire, c'est qu'il y a des clivages très importants dans les équipes enseignantes, entre ceux qui sont plutôt sur la logique qu'on va retrouver finalement dans cette construction dite républicaine. C'est la référence à Régis Debray qui, dans un petit bouquin, opposait démocrate. Enfin, êtes-vous posé la question, êtes-vous démocrate ou républicain ? D'accord ? Et je pense que cette clivage qui fait ressortir me semble relativement pertinent pour saisir grosso modo cette opposition-là, c'est-à-dire qu'on a la construction républicaine et qui pour le coup se manifeste beaucoup au jour d'aujourd'hui par cette montée dans un discours en généralité, par en haut, et la logique démocratique qui est à l'œuvre et très souvent dans les équipes sur la recherche de compromis. Voilà, ça me paraît. Et avec ce souci d'une école de l'égalité, etc. Voilà. Donc à mon avis, ce clivage, il ne représente pas nécessairement la réalité globale des expériences qu'il y a. Néanmoins, si on parle d'hystérisation, c'est quand même... on qualifie quand même une certaine attitude comme étant quelque chose qui a... ses racines dans un excès. L'hystérie, c'est une... Je reprends le terme d'Étienne Balibar, c'est lui qui parle d'une hystérisation d'un certain nombre de signes ou de symboles, et lui, ce qu'il nomme hystérisation n'est pas relatif aux symboles eux-mêmes, d'accord, mais relatif à la réaction de ceux qui le perçoivent. Et c'est ça notre problème, c'est-à-dire en quoi le voile poserait problème. Voilà, de façon générale, et d'un point de vue philosophique, et d'un point de vue concret. Voilà. Quand il pose problème du point de vue concret, on peut l'entendre, et d'ailleurs ça se négocie. C'est de dire là, il y a du danger, je pense au lycée professionnel, où on manipule des machines, voilà, mais c'est des cas d'exception. Et du coup, ça n'a rien à voir avec le débat national, ou la question nationale, au fond. Voilà. Oui, il me semble qu'on pourrait, en complément, je suis d'accord avec ce qu'il a dit, en complément, il me semble que la question de l'interculturel peut être un recours. Parce que finalement, c'est un questionnement que ces femmes-là, à mon avis, ou ces communautés posent, à mon avis, à certains médias occidentaux. C'est est-ce qu'il n'y a pas une dérive au niveau des représentations de l'être occidental, au niveau de ses mœurs en particulier, il faut voir les choses en face, de sa vie privée et autres, et est-ce qu'il n'y a pas justement un excès, parce qu'on parlait d'excès. Or, c'est vrai qu'on constate qu'il y a peu de travaux sociologiques, enfin, à ma connaissance, qui portent sur les excès de l'image, et même des réalités, je veux dire, de mœurs, en Occident. On considère que la liberté est un principe acquis. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des dérives du principe de liberté, qui s'appelle donc le libéralisme moral, néolibéralisme moral, qui serait finalement instrumentalisé par le néolibéralisme économique comme un moyen, bien sûr, de faire passer ses propres objectifs, qui sont des objectifs de profit, de rentabilisation, et donc à partir, bien sûr, d'un cycle de consommation au niveau des mœurs et de la représentation de ces mœurs. Voilà. Et donc, il me semble quand même qu'il y a un questionnement intéressant, mais tout à fait infra-idéologique de la part de ces communautés-là. Alors, bien sûr que c'est sous des formes qui peuvent paraître totalement réactionnaires, moi je ne suis pas pour le voile au soir, bien entendu, au niveau de l'image de la femme, mais il y a une protestation à l'égard, moi je pense, de la pornographie et de choses qui sont excessives en Occident. Moi, je pense qu'il faudrait que les intellectuels s'expriment plus nettement sur les dérives donc, des mœurs occidentales ou des représentations de ces mœurs. Enfin, c'est tenté que, bien entendu, la vie privée, chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie privée dans le respect de la loi. Voilà. Donc moi, je pense que cette protestation, elle a une forme de légitimité et qu'il faudrait pouvoir lui donner un cadre plus raisonné, qu'on puisse en discuter. Et donc, ça s'appelle l'interculturel. Hein, et ce serait intéressant de pouvoir poursuivre avec des personnes qui participent de cette protestation. Un autre élément par rapport au voile, c'est que les enquêtes que nous disposons sur le rapport au voile et son usage hein, par les femmes qui le portent montrent d'une part effectivement l'hétérogénéité des pratiques, mais montrent que bien souvent il est lié justement à une conception très, très individuelle, très privée de la religion. Et que et donc tout le discours qui entoure cela du prosélytisme est pour le coup une construction qui ne correspond pas du tout à ce qu'en vivent les gens. Ou extrêmement peu, parce qu'on vit les gens. Il y a toujours des prosélytes dans toute époque et dans toute société, et dans beaucoup de groupes sociaux, bien entendu. Mais que globalement, je veux dire, le problème n'est pas celui-là, si on se pose du point de vue de la manière dont les gens vivent les choses. Et je pense au mouvement d'un certain nombre de femmes, au mouvement féministe d'un certain nombre de femmes qui se battent actuellement contre la circulaire Chatel. Vous avez sûrement entendu, hein, y compris l'appel du 18 juin qui est passé. Je pense pas loin d'ici, au Blanc-Ménil, le collectif Sortie scolaire avec nous, c'est-à-dire qui vient interpeller l'école sur mais de quel droit et au nom de quel principe fondateurs de notre société, les mamans ne pourraient pas accompagner leurs enfants à l'école à l'époque où on pousse les parents à s'impliquer dans la scolarisation de leurs enfants. On a un vrai problème, c'est-à-dire que cette construction politique du voile comme un problème, ou du problème musulman, nous emmène dans une contradiction majeure, hein, qui est finalement de passer à l'as un certain nombre de principes fondamentaux, comme la question de l'égalité, ou la question de la liberté religieuse, etc. Donc on est en train de jouer, par cette hystérisation, contre les principes qui pourrait représenter finalement les manières de se mettre d'accord et auxquelles d'ailleurs la plupart des gens adhèrent. C'est pas grosso modo sur ces principes que se font ou que s'organisent les clivages à l'heure actuelle. Voilà. Je pense que c'est un vrai problème, y compris dans les manières dont sociologiquement on peut chercher à saisir ce problème. Hein. Il me semble tout à fait important d'accorder vraiment toute sa place aux expériences hein, qu'ont les personnes de ces questions-là. Oui. On en est un peu, une phase de tâtonnement dans la recherche de la définition du problème public. On sait qu'il y a problème. Il y a eu, je crois, récemment la confirmation de la révocation de l'employé de la crèche Babylou qui portait le voile et qui ne voulait pas le retirer. Et donc cette liberté d'expression religieuse, puisqu'elle l'avait exprimée comme ça, se heurter à la neutralité qui est demandée aux personnes qui interviennent auprès d'enfants. Apparemment, c'est ça, mais ça a été reconnu. Voilà, donc on a. C'est dans ces grands principes-là que cela coince aussi. Dans la vie privée, je me souviens d'avoir eu un compte-rendu de reporter qui s'était amusé à se promener dans la ville avec un tchador, un homme et une femme, et ils alternaient le tchador qui filmait et qui le portait, et ils ont tous les deux dit que c'était une expérience vraiment pénible parce qu'ils sentaient une sorte d'hostilité sourde, voire parfois explicite, qui s'exprimait comme ça par les mots, par, voilà, par si, donc, quand même, dans la vie courante, avant même tout discours, toute problématisation, on peut avoir des réactions épidermiques contre ces manifestations de quelque chose, parce que okay. ce n'est pas un vêtement comme un autre, c'est perçu comme l'expression d'un rejet de l'autre aussi. Récemment, c'est ce qu'on m'a dit, mais ces personnes-là, toutes enfermées, rejettent les autres personnes. On ne peut pas avoir, avec un masque pareil, on ne peut pas avoir d'échange quoi. Minimal. Il n'y a pas même pas l'échange de regard. Quoi. Voilà, c'est ce genre de choses qui font partie de ce que vous analysez, c'est-à-dire à partir d'un mot clé, vous essayez de voir les différentes inférences, enfin les différents liens possibles et les différents modes d'action qui peuvent être liés aux pratiques que l'on place sous ce terme générique et qui sont variés. Peut-être un mot par rapport à ça, c'est y compris la question de méthode que vous posiez par cette entrée par le mot. J'avais travaillé sur l'émergence dans le discours médiatique et politique de la notion de communautarisme, hein, qui apparaît comme un élément si évident, si, voilà, pour définir la situation contemporaine. En fait, ce que ça m'a amené à voir, c'est que ce mot, alors on le sait, est surtout un mot accusatoire, voilà, c'est-à-dire qu'il ne décrit pas, n'est pas un mot descriptif, n'est pas utilisé pour désigner une réalité particulière, ce qui se traduit de façon très très concrète d'ailleurs dans les médias par le fait que le mot est utilisé dans des grands débats et utilisé pour sa force accusatoire, mais il est à peu près jamais utilisé pour parler un certain nombre de situations spécifiques. Sauf quand ces situations spécifiques sont définies comme un enjeu national. C'est-à-dire, en fait, ce mot n'a de sens que comme référence antinationale, hein, qui est derrière. Et ce que m'a amené à voir ce travail, je peux vous renvoyer vers un des articles qui est publié en ligne dans la revue Asylone, qui met en évidence le fait que la percée de ce mot dans l'espace des débats se fait d'abord sous le coup de deux moments clés qui sont l'affaire Khaled Kalkal, hein, autour de 1994, entre 93 et 95, le 11 septembre 2001. Et ces deux événements sont justement font événement dans le discours médiatique parce qu'ils, quelque part, ils servent à fonder la thèse de l'ennemi intérieur, pour le dire comme ça, c'est-à-dire de ces enfants qui ont grandi sur les bancs de l'école française et qui se retournent contre la mère patrie. Et ce mot porte cette logique-là. Et ce que ça m'a amené à voir, c'est que la diffusion de mots dans l'espace médiatico-politique va de pair avec une reconfiguration de l'espace du discours. Une transformation, y compris du discours sur l'Europe, par exemple. Ce qui était la communautarisation européenne, qui est un mot juridique, c'est-à-dire qui est le partage en commun d'un certain nombre de compétences, etc., par voie juridique, ce qui est appliqué aux espaces maritimes, par exemple, va devenir, y compris pour le discours sur l'Europe, un discours négatif. C'est le grand moment du discours nationaliste qui va critiquer l'Europe pour le danger qu'elle représente pour la nation française. Vous voyez, donc ce mot-là est totalement lié, dans toute sa trajectoire, à une perspective ethno-nationaliste, et sa diffusion a pour effet de reconfigurer globalement l'espace des discours politiques. Ce qui me semble illustrer, encore une fois, hein, c'est-à-dire le caractère très problématique de ces grilles d'analyse. Le mot communautarisme est absolument diffusé dans les travaux en sciences sociales. Il est pris comme si c'était un fait de société, alors que pour moi, s'il y a fait de société, c'est dans la transformation de ce regard, hein, politique et de ce discours politique. Hein. Avec un grand retour du schéma ethno-nationaliste. C'est ça qui m'apparaît le fait social, si vous voulez, et pas du tout une transformation réelle de la manière dont les gens vivent, et dont les gens réclament, ou ceci ou cela, enfin, qui serait contraire à quelque chose qui serait viable, une société commune, etc. C'est pas du tout ce qu'on enregistre dans la recherche, quoi. Oui, j'avais envie de réagir sur la définition que vous donniez tout à l'heure de l'éducation comme enseignement à l'auteur, comme arrachement et réenracinement. Moi, ça me paraît violent et figé, et je n'y vois pas de plaisir. Or, dans l'éducation, il me semble qu'un des moteurs, c'est le plaisir qu'on peut y prendre et l'émancipation qu'on peut y trouver. Donc, il me semble que prise de hauteur et partage, en tous les cas, à mon sens, c'est plus d'avant-prier. Oui, c'est vrai que bon, ça ne venait pas de mon inspiration personnelle. Ce mot d'arrachement n'est pas formidable, moi, je suis d'accord aussi. Mais en même temps, c'est bien vrai qu'il y a quand même un principe de réalité qu'il faut quand même, qui amène à dire que éduquer, c'est aussi instruire, et qu'il y a quand même une nécessité aussi de rigueur hein, dans la construction éducative. Donc, clémence et rigueur étant complémentaires, moi, ça ne me gêne pas non plus de redonner à l'école une autorité morale et intellectuelle qu'elle a quand même en partie perdue. Et aussi parce qu'il faut le dire, il y a quand même une féminisation hein, du monde enseignant. Je ne veux pas dire pour autant que les femmes sont dénuées d'autorité, loin de là, mais enfin, il y a un rapport de force qui fait que quand les femmes s'investissent dans un milieu, ce milieu arrive à être fragilisé, hein, voilà, c'est comme ça. Et donc l'école a plus tendance à, en ce moment à materner, hein, il faut le reconnaître, qu'à instruire au sens un peu militaire du terme, hein, et être un peu comme... Voilà, donc c'est vrai qu'il y a quand même cette double composante qu'il faut maintenir hein, dans une perspective finalement un peu de co-éducation de genre, hein, en disant que un schéma anthropologique qu'il faudrait mettre un peu en œuvre, et il s'est fait de manière expérimentale en Espagne, c'est une co-éducation de genre. En France, on parle plutôt de co-éducation avec les parents, ce qui est bien, la participation des parents, c'est normal, surtout dans le cas des publics handicapés, ce sont des réalités tout à fait nécessaires. Mais une co-éducation de genre permettrait, sur le plan anthropologique, de donner au public justement cette double vision des choses, de manière non figée, puisque là encore, on revient à la question des identités de genre et des cultures de genre, chose que je n'ai pas pu évoquer. Mais c'est vrai que c'est dans le débat du moment. Incidemment, je dis d'ailleurs que l'ABCD, le programme ABCD Égalité, va peut-être être supprimé par le ministre, suite à la pression donc, de forces réactionnaires, mais aussi peut-être parce que, dans le milieu même, il me semble que cette question-là encore de l'interculturel est insuffisamment posée. Et donc, cette fois-ci, l'interculturel de genre. Et il me semble que dans une perspective dialectique, dans la suite des travaux, je dirais, d'Agazinski, moi, la personne qui m'intéresse le plus dans ce domaine, c'est Agazinski, qui parle de différentialisme partiel et qui explique que les données à la fois innées et acquises, donc biologiques et culturelles, interfèrent pour construire finalement des cultures de genre qui n'ont rien de figé, qui n'ont rien de stéréotypé, qui ne correspondent pas forcément aux stéréotypes, mais qui correspondent à des constructions historiques dans lesquelles vont se retrouver la plupart des hommes ou la plupart des femmes d'une société déterminée. Et donc pour en revenir un peu, là, je reconnais que c'était un peu une parenthèse que j'ai faite, mais ces deux notions d'arrachement et d'enracinement, moi je les vois effectivement comme des phénomènes complémentaires qui font dire que finalement le système éducatif, c'est voilà, un système de rigueur et donc un système de verticalisation. Et c'est vrai que étymologiquement élevé, c'est verticaliser la personne. Alors c'est vrai que nos élèves et nos enfants sont trop souvent invertébrés. Hein, moi, ils sont informes. Il faut les voir, hein. ils sont souvent assis sur leur chaise, hein. C'est des choses incroyables. Hein. Ils sont fatigués avant d'avoir travaillé, ils sont blasés. Donc il y a quelque chose qui est vraiment de l'informel chez eux. Et en même temps, bien sûr, le réenracinement peut quand même les conduire aussi vers cette verticalité. Mais sans doute que des termes plus de prise de hauteur, par exemple, conviendra bien. Il y a un côté assez parisien dans ces mots qui fassent sans trouver, me semble-t-il. C'est vrai. Polémique, parlez-vous au début. La polémique qu'a entouré la sortie, la réception de ces 5 rapports. Les rapports ont été publiés en novembre 2013 et Le Figaro a sorti, lancé la polémique un mois plus tard. Sur le genre, c'était ça ? Non, c'est pas sur le genre, mais c'est vrai que c'est confus parce qu'il y a toute une série de polémiques et qui, si on les met en relation, renvoient aux mêmes galaxies d'entrepreneurs politiques. Hein, selon les polémiques, plutôt les uns, plutôt les autres, etc. Mais c'est-à-dire une espèce de lien entre bon, tout ce qui est la galaxie d'extrême droite, tout ce qui est la stratégie politique de l'UMP, d'une part, et tout ce qu'on va avoir, y compris dans un certain nombre de mouvements qui, de gauche ou d'extrême gauche, qui font le lien, finalement, avec l'extrême droite. Je pense au site, Riposte Laïque. Voilà. Donc, on a vraiment une construction, là, pour le coup, d'une galaxie qui articule les thèses de gauche et d'extrême droite, ou d'extrême gauche et d'extrême droite, par exemple, et qui bénéficie très largement à la droite. Alors, la polémique dont je parlais précisément était liée à la sortie des 5 rapports dits sur la dite refondation de la politique d'intégration. Et le Figaro a lancé la polémique en convoquant notamment une ancienne membre du Haut Conseil à l'intégration, Malika Sorel, qui a d'une certaine façon donné tous les arguments possibles qui ensuite ont fait toute la polémique, qui ont été repris après, si vous voulez, par tout le monde. Hein. C'est difficile de dire sur quoi repose précisément la polémique. Je pense que ce qui a le plus circulé immédiatement dans les médias, c'est autour de la question du voile, puisque dans le rapport que moi j'ai co-dirigé, nous avons proposé de revenir sur les législations qui ont des effets discriminatoires. Parmi celles-ci, la circulaire Chatel de 2012 et la loi de 2004 sur le voile. Plus sur un certain nombre d'autres lois. Hein. Tout ça a été pris dans un des grands leviers qui était de dire si on veut travailler sur les discriminations, commençons par les responsabilités du gouvernement. C'est transformer la loi lorsqu'elle est discriminatoire. Et ça a été repris de façon très, très forte. C'est ça qui a probablement fait le plus le buzz, si on peut dire comme ça. Par contre, c'est quand même lié aussi à d'autres thèmes, y compris là, y compris d'autres rapports. Un des leviers de la manipulation médiatique du Figaro, ça a été de faire comme s'il n'y avait qu'un seul rapport, alors qu'il y en a 5. Alors qu'il y a des différences, hein, y compris des différences de position entre inclusion, intégration, lutte contre les discriminations. Là, sur les 5 rapports, il y a un clivage qui peut être relativement sensible. On a fait comme s'il n'y avait qu'un seul rapport, ce qui a permis de piocher dans quelques-uns les choses qui semblaient les plus scandaleuses pour les verser, vous voyez, comme le rapport qui fait scandale. Voilà. Alors je le dis comme ça, on est en train de travailler, enfin je suis moi en train de travailler sur cette polémique et sur les processus de disqualification qui ont été utilisés. Il y a un numéro de la revue Migration Société qui devrait sortir au mois d'octobre, probablement octobre ou novembre, qui s'est consacré à l'échec de la refondation de la politique d'intégration et à la polémique autour de ça. Donc voilà, je vous donne des éléments que je suis en train de rédiger là, précisément pour ce numéro de revue. Pourtant, il y a une feuille de route gouvernementale avec une trentaine de mesures, dont certaines pour l'éducation nationale. Alors, je les avais justement listées, j'ai oublié complètement d'en parler. Eh bien, il faut y revenir. Voilà, c'est l'occasion. Voilà. Parce que vraiment. Et alors, oui, selon certains, c'est pas suffisant, quoi. Ou c'est des vœux pieux. Ben non, ce n'est pas des vœux pieux, c'est vraiment au contraire des choses à mon sens extrêmes. C'est-à-dire si je rapporte les propositions qui ont été faites par rapport à les propositions que nous avions faites dans le rapport, par rapport aux deux versions de la feuille de route qui ont été rendues publiques. En fait, le processus, hein, c'est une fois que les rapports ont été publiés, le gouvernement a dit on travaille de notre côté, on va faire une feuille de route. Donc chaque ministère a été sollicité pour faire ses propres. Projet, en disant voilà ce que nous on retient, voilà ce que nous on s'engage à faire. Il y a une première version de la feuille de route qui a été publiée par Mediapart le 6 février 2014 et la version définitive qui était la version 3 qui a été publiée le 11 février, donc une semaine après, le 11 février 2014. Entre la version 1 et la version 3, je ne connais pas la version 2, elle a été rendue publique, je ne sais pas par où c'est passé, ce qu'il y a eu entre temps. Entre la version 1 et la version 3, si on fait le compte dans le domaine de l'emploi et du travail, ce qui, je m'en tiens aux deux domaines sur lesquels j'ai travaillé, quasiment l'ensemble des mesures qui sont dans la version 1 ont été reconduites dans la version 3. Et globalement, il n'y a pas grand-chose à en dire, il y a des choses qui n'y sont pas de ce qui était en proposition, mais on retrouve thématiquement parlant un certain nombre des axes, voilà. C'est pas tellement sur ce plan-là. C'est beaucoup plus sur le plan de l'école. Sur le plan de l'école, on a une douzaine de propositions spécifiques qui concernent spécifiquement l'école dans la version 1. On en a 6 dans la version 3. Donc déjà, ça a fondu. considérablement en nombre. Ce qui me paraît plus intéressant encore, c'est que l'écriture a totalement changé entre les deux versions. Et autant la première donnait des éléments axiologiques et normatifs qui pouvaient fonder l'évaluation de la politique publique en disant « voilà le sens que cela a hein, ». Telle proposition s'explique de telle manière-là. Dans la feuille de route numéro 3, on a réduit même les intitulés des mesures à la portion congrue. Je vous donne un exemple. Un exemple, il faut que je mette en équivalence les changements de numéro, excusez-moi, j'en ai pour deux petites secondes. Voilà, mesure 3 de la version 1, s'appuyer sur la réforme de l'éducation prioritaire pour lutter contre les inégalités scolaires, qui donne dans la version 3 la réforme de l'éducation prioritaire. Donc ce qu'ils ont fait disparaître, c'est l'élément axiologique ou la visée, hein, politique finalement, qui rapproche à la question des inégalités. Donc on fait disparaître en fait la problématique des inégalités et particulièrement la problématique des discriminations de façon systématique dans la manière dont le récit est construit. Un autre exemple qui me paraît tout à fait significatif, c'est que la version finale fait totalement disparaître la notion de pédagogie. Le terme n'apparaît qu'une fois pour parler du rôle de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Symboliquement, on externalise la pédagogie. C'est quand même très intéressant. Notre rapport, dans les préconisations, il mentionnait la pédagogie, juste simplement dans les préconisations, il le faisait apparaître 14 fois, ce terme. Dans la version 1, c'était 6 fois. Et dans la version 3, ça n'est plus du tout pour l'école. Donc on avait de vraies requalifications hein, qui sont passées et qui, à mon sens, vont à peu près toujours dans le même sens, c'est-à-dire une déproblématisation. Le problème des discriminations qui était central dans notre rapport est passé, n'est plus un problème. Je pourrais vous en donner d'autres exemples hein, sur la manière dont c'était requalifié. On vend plutôt des dispositifs techniques qui étaient déjà en œuvre. On réintroduit, par exemple, l'opération ouvrir l'école aux parents pour réussir l'intégration. Hein. On vend plutôt des dispositifs et des outils qui existent déjà, plutôt qu'on accentue sur la dimension politique hein, ou le sens politique que devraient avoir ces réformes ou ces mesures. Voilà. Donc dépolitiser, ce que j'appelais dépolitisation et déproblématisation, les deux en même temps. Cette démarche-là fait penser à un auteur, au travail d'un auteur que vous connaissez sans doute, Joseph Gasfield, sur la sociologie des problèmes publics. Il est fait à partir du moment où un problème a été, un problème social a été transformé en un problème susceptible d'une action publique par un comité théodule qui a été constitué pour cela, et celui-ci s'est cristallisé et donc devenu disons l'autorité sur la question. On a tendance à constater une routinisation du traitement des questions relatives à ce problème et qui a trait notamment au fait que au domaine de compétences qui sont représentées autour de la table et le travail de Gasfield était précisément de faire ce que vous faites, c'est-à-dire débobiner la bobine et essayer de voir un peu à partir de là d'aller sur le terrain pour voir un peu comment le problème se manifeste et quels sont les aspects qui ont été omis dans le traitement de ce problème et donc qui manquent à la table et pourquoi et Il y a une très bonne thèse de Marie-Christine de Benedetti, ou Certo de Benedetti, qui sortira d'ailleurs un article dans le numéro de la revue Migration Société, hein, portant sur les rapports, qui s'appuie sur les travaux de Gasfield pour analyser la politique publique de lutte contre les discriminations en France, hein, et qui parle d'une politique publique sans problème public. Hein, ça fait écho quand je parle de déproblématisation, hein, cette disparition du problème, donc on a une espèce de politique qui n'en a plus vraiment une, qui est hors sol, et qui est plutôt sur du discours, mais qui derrière n'a pas de traduction normative, par exemple. Ça, et donc, en fait, le fait que tout le travail, disons, original que vous faites, des chercheurs et et de leur panel, ils ont constitué initialement pour essayer de précisément de faire surgir de nouvelles facettes. Un problème se trouve repassé à la, au filtre disons, de ce que l'institution peut comprendre de cette question, de ce qu'elle digère et reproduit à l'identique. D'un rapport à l'autre, parce que j'ai été frappé par le fait que, par exemple, je ne sais plus sur quelle question, sur l'université, j'ai vu que les rapports parlementaires, dans leur bibliographie, citaient d'autres rapports. Mmh. Et donc c'est un petit monde qui est quand même fermé sur lui-même. Et donc j'imagine qu'ici, des textes qui eux-mêmes plus ou moins intègrent le format, les attentes, ne font pas d'analyse de la demande, et voilà quoi, ils visent, finalement cela transforme des chercheurs en ingénieurs sociaux, comme dirait Bourdieu. Il y a vraiment ce mécanisme, beaucoup. J'avais fait ce travail dans le cadre d'un séminaire de l'URMIS sur la bibliographie justement concernant la question des discriminations. Et ce qu'on voit, c'est la disparition à partir du début des années 2000, la disparition dans les bibliographies des administrations publiques, qui sont diffusées par les administrations publiques, comme la référence sur les questions de discrimination, la disparition de tous les travaux initiaux qui ont problématisé la question, et leur substitution par un certain nombre de rapports publics qui déproblématisent ou qui changent de paradigme, introduisent le paradigme de la diversité, par exemple, plutôt que la lutte contre les discriminations, notamment tous les travaux de l'Institut Montaigne, un véritable travail de lobbying là, pour changer le paradigme politique, et les bibliographies comme ça institutionnelles vont donc perdre l'histoire et la mémoire de ces travaux et de cette problématisation-là pour en substituer progressivement une autre. Deuxième élément, peut-être par rapport à ce que vous disiez, c'est effectivement, en travaillant plus sur les questions d'école, de rapport ethnique et de discrimination à l'école, j'ai pas mal fait ce travail de la généalogie de cette question sur l'agenda politique scolaire. Et ce qui, moi, m'apparaît, c'est moins une routinisation que véritablement une forme de résistance politique au sein du ministère et particulièrement de la direction générale de l'enseignement scolaire. Je pense qu'on met une énergie particulière à traduire les choses pour qu'elles ne transforment pas le paradigme avec lequel on a l'habitude de travailler. Donc ce n'est pas un problème de mésinterprétation, à mon avis. Mon hypothèse, elle n'est vraiment pas de ce côté-là. Elle est vraiment la recherche d'une requalification des problèmes pour que ça transforme le moins possible l'action publique. Et je peux vous en donner un exemple, une anecdote. C'est que le moment où la question des discriminations a formellement été reconnue par le ministère de l'Éducation nationale, c'est d'abord dans la circulaire de rentrée de 2008, puis qui va se répéter 2009-2010. Et en 2010, le ministère donc commande la rédaction d'un rapport public qui va sortir en 2010, le rapport sortira en 2010 et qui s'intitulera « Les discriminations à l'école ». Qui est présidé par Anne Révérol, qui travaille à la direction générale de l'enseignement scolaire à cette époque-là. Et on m'a sollicité, moi, pour faire partie des chercheurs de ce groupe de travail. Et je n'y suis resté qu'à la première réunion, parce que mon analyse, c'est que on ne parlait pas du tout de la même chose et que les conditions n'étaient pas du tout réunies pour pouvoir espérer faire avancer cette question. Le directeur général de l'enseignement scolaire a ouvert le groupe de travail en disant « Bon, c'est bien, la thématique est très importante, c'est bien que vous travaillez sur ces questions, super. D'autant que, dit-il, nous sommes dans un contexte de réforme des lycées qui passe mal, et c'est bien d'envoyer un truc un peu social pour compenser la réforme gestionnaire et administrative. » Donc, en fait, la thématique, c'est pas une. L'enjeu n'est pas la réappropriation de cette thématique, et même une réappropriation biaisée parce qu'on n'aurait pas bien compris. Vous voyez, c'est une instrumentalisation pure et simple de ce thème, dans un contexte de réforme gestionnaire où il donne le change à une réforme qui passe mal. C'est tout à fait incroyable, cette affaire. Vous voyez. Donc, de mon point de vue, il n'y a pas du tout de reconnaissance politique de cette question au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Par contre, le mot est là et il prolonge cette espèce de, non pas de malentendu, mais ce que Jacques Rancière appellerait la mésentente, là, pour le coup. C'est pas qu'on s'est pas bien compris, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas entendre, qu'on ne peut pas entendre. Et cet aspect du travail de traduction, oui. Votre traduction, de vos travaux par la machine bureaucratique, vous là, là, est-ce que vous avez un accès à ce terrain-là ou pas ? Est-ce que vous avez, une fois que vous avez fait votre rapport, monsieur ? La polémique fait que tous les contributeurs ont été brutalement écartés. Voilà. Et donc je ne sais pas du tout, je n'ai pas d'infos, je ne sais pas du tout. Voilà. Et je ne sais pas en quelle mesure ça n'aura pas des effets plus larges, c'est-à-dire ayant été identifié au conflit, dans une institution qui craint par-dessus tout le conflit, de m'avoir fermé des portes de recherche, par exemple. Je vais le mesurer rapidement, puisque on commence une recherche sur les pratiques d'enseignement sur la discrimination, et on va solliciter très rapidement le ministère, je verrai s'il y a des traces, des échos. Ouais. Parce que ma question suivante allait être, est-ce que vous envisagez précisément d'en faire un objet d'enquête et d'essayer de le vendre, comme on dit maintenant, de proposer ça lors d'un autre appel d'offres ou d'une nouvelle sollicitation, de faire comprendre à vos interlocuteurs ministériels que votre travail doit aussi suivre l'ensemble. Oui. Est-ce qu'il y a un suivi collectif de ce rapport, hein, oui. Au niveau de votre équipe, de vos équipes ? Alors, il y a l'initiative qui a été portée par Françoise Lorcery, donc du numéro de la revue Migration Société, puisque pour moi c'est un enjeu stratégique tout à fait majeur, c'est de se dire, d'ailleurs Le Figaro qui avait lancé la polémique, le jour où il a lancé la polémique, prédisait l'enterrement des rapports. Et ça a été un grand thème de la polémique, c'est ces rapports déjà enterrés, etc. Et en fait, ils sont pas enterrés. J'ai envie de dire, ils gigotent encore. Il y a encore un petit peu de vie. Et stratégiquement, il me paraît très important que cette vie continue. Alors par contre, elle passe peu par les ministères, qui eux ont vraiment fermé les portes de ce côté-là. Elle passe par d'autres réseaux, y compris les réseaux pédagogiques, que ce soit le café pédagogique, que ce soit le centre Alain Savary ou l'Institut français de l'éducation, que ce soit les réseaux syndicaux, etc., des enseignants qui prennent position. Enfin, il y a une vie qui continue autour de ça. Les quelques informations que j'ai de quelqu'un qui a été évincé du ministère de l'Éducation nationale depuis cette polémique, c'est que les échos qu'on avait déjà, c'est qu'il y a eu une chasse aux sorcières. C'est que face à la polémique, on s'est retourné contre les subalternes pour essayer de leur faire payer le... Alors que la lettre de commande est explicite, hein, je veux dire, voilà. La lettre de commande qui allait autant pour les gens des services que pour nous. Disons, tout le monde n'a fait que son travail dans cette affaire-là, mais on leur a fait payer. Et en plus, bénévolement, tout à fait. Et l'autre élément que j'ai, c'est également, c'est l'interprétation en tout cas de mon interlocuteur, c'est que visiblement cet épisode a et aura des effets dans la mémoire collective du corps des hauts fonctionnaires qui voit là vraiment une forme de brutalisation dont ils vont se garder de la reproduire. Ce qui veut dire pour eux que le thème, est en, le statut si vous voulez de question sensible est renforcé autour de ce thème-là. Et donc qu'on repousse en fait l'horizon de travailler un jour véritablement sur ces questions-là. Donc à vérifier, voilà. Mais je ne suis probablement pas très bien placé pour ce travail d'enquête de sociologie politique, hein, pour le coup. Je sais qu'il y a une enquête qui est conduite par Patrick Simon et Géraldine Bozek autour des questions de mainstreaming de l'intégration et qui, à ce titre-là, essaye de faire des entretiens avec les ministères concernés. Donc peut-être qu'ils auront quelques informations. Voilà. Et à mon avis, voilà, je suis relativement mal placé pour accéder à ces données au jour d'aujourd'hui. En tout cas, disons que c'est un exemple intéressant sur la manière... on parle d'ouvrir la science aux citoyens, mais c'est très beau si on ouvre, si on met en lien les citoyens et les scientifiques pour faire ce que vous faites, poser des problèmes, essayer de reformuler les problèmes tels qu'ils se posent pour les gens et voilà, qui sont concernés d'une manière ou d'une autre. Et cherche à mettre quelque chose en commun. être traités dans le même terme. Là. Mais si ensuite, par la suite, il y a chaque fois ce filtre-là, à partir du moment où le politique s'empare de la chose, les citoyens et les chercheurs qui sont aussi des citoyens sont exclus du processus, on retombe toujours sur la même difficulté. Et ce qui visait à la base à ouvrir la problématique se voit refermer ensuite parce que ça fait du tumulte dans les étages administratifs. Et est-ce que un lobbying citoyen est prévu, par exemple, pour cette question de feuille de route, la rendre opérationnelle, que ce ne soit pas que des vœux pieux? Est-ce qu'il y a des associations qui se sont données comme objectif de voir le suivi de cette question? Moi, je pensais par exemple à des historiens tels que Pascal Blanchard, qui sont aussi pas mal investis dans les questions citoyennes, de sociétés multiculturelles et autres. Donc, est-ce qu'il est prévu de suivre un peu cette affaire, quoi, pour que ça ne soit pas enterré véritablement? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas du tout. J'ai quelques contacts qui ont été sollicités par quelques associations nationales qui sont intéressées par ces questions, mais je ne sais pas où elles en sont d'une stratégie sur ça, de continuer à défendre ou pas ces logiques-là. Je sais que certains médias étaient dans cette logique-là autour au moment de la polémique, c'est-à-dire ils avaient commencé à constituer des équipes pour travailler le suivi de ces polémiques, de servir d'aiguillon sur ça, mais quelque part, avec le flou de l'actualité, ils sont passés à autre chose, quoi. Les équipes se sont disloquées, donc c'est pas eux qui serviront véritablement d'aiguillon. Par contre, c'est là que je reviens à la thèse de d'Abdel Ali Ajat et Marwan Mohamed que je citais un petit peu au démarrage, c'est-à-dire qu'il me semble quand même tout à fait confirmer d'une certaine manière, c'est lui, il me semble confirmer cette thèse, c'est que c'est beaucoup moins compliqué de faire valoir et de travailler à partir de ces éléments de savoir avec des professionnels intermédiaires, des cadres intermédiaires ou des professionnels dans les établissements scolaires. L'exemple que je donnais tout à l'heure du réseau national de lutte contre les discriminations à l'école est véritablement un espace de co-élaboration, pour le coup, dans lequel le travail de recherche et le travail qui soutient l'expertise des professionnels peut se construire sous une forme de coopération. Ce qui n'est pas possible du point de vue de la haute administration et du point de vue de la représentation nationale. Donc je pense que ce clivage, c'est-à-dire ce blocage vraiment de la représentation nationale sur ces schémas-là, qui ne correspondent pas à ceux avec lesquels les gens travaillent, me semble être une thèse vraiment solide, quoi. Oui. Et donc c'est un objet d'enquête pour vous intéressant, si c'est possible de le faire entendre. Bien sûr, pas pour cette enquête-là où vous êtes un peu grillé, malgré tout, mais pour d'autres, oui. Et on essaye avec le RID, le Réseau International de Recherche, d'ouvrir des espaces de légitimation de ces travaux, de ces recherches, une espèce d'appel aussi aux gens qui sont intéressés à travailler sur ces questions-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas quand même parler aussi de champ libre aux sciences sociales, parce que finalement ce sont deux combats complémentaires qui sont menés finalement par des universitaires de même discipline. Ce sont des sociologues, historiens qui se retrouvent finalement sur des causes complémentaires. Donc finalement la défense de l'état social et de droit dans le cas de champ libre aux sciences sociales, et donc des disciplines académiques qui peuvent contribuer au débat d'idées et à la construction théorique par rapport à ces données-là. Et d'autre part, effectivement, la question des discriminations, comment inclure dans la société française les sociétés européennes, des communautés d'origine différente. Et c'est vrai que dans les deux cas, on constate quand même qu'il y a une difficulté à construire politiquement, au-delà d'un certain cas. Pour moi, je le dis sans aucun esprit de critique, bien entendu, le fait que la contribution sur le champ libre social n'ait pas pu être tenue, ça participe, à mon avis, d'une limitation au niveau de notre champ, du champ des sciences sociales et des sciences humaines de manière générale. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une construction politique à avoir pour dire véritablement la mobilisation est à l'ordre du jour? Et donc, face à la réaction qui, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, est nette, quoi, en face, ils sont très organisés, entre les partis politiques qui veulent devenir le premier parti de France, des médias qui sont appelés, des intellectuels réactionnaires qui n'hésitent pas, bien entendu, à prendre leur plume. Donc, c'est vrai qu'en face, les progressistes qu'on veut être ont matière à s'organiser. Pourquoi pas aussi à corréler des causes, hein. Il me semble que c'est vrai qu'on est à l'heure actuelle, il y a le mouvement social et citoyen, c'est vrai, et il y a ce mouvement anti-discrimination pour l'altérité, pour l'inclusion. Et au plan politique, il y a sans doute nécessité à corréler ces deux causes. Parce que là, véritablement derrière, il y a quand même des terrains électoraux, il y a quand même des jeunesses, il y a des publics que l'on peut agréger à des combats premiers et qui peuvent constituer des forces conséquentes. Donc c'est vrai qu'il faut arriver à dépasser des limites structurelles. C'est pas évident de procéder à ces niveaux-là. Bon, il me semble qu'on va peut-être essayer d'y travailler. N'est-ce pas la tâche que l'appel des appels s'était donné avec le peu d'écho que nous sommes. Donc du coup, il y a des groupes qui naissent sans cesse, mais ensuite ça reste des labels avec 3-4 personnes derrière, quoi. Et une sorte de bannière, mais les troupes malheureusement sont maigres. Je pense que ça interroge vraiment des choix de posture scientifique, parce que je partage tout à fait votre analyse. Sur l'exemple de la laïcité, ça me paraît vraiment tout à fait éclairant. Ceux qui défendent une laïcité d'interdiction, notamment en se référant au voile, mais ça va au-delà, hein, l'incrimination de tout un certain nombre de comportements jugés inacceptables. Ceux qui défendent la laïcité d'interdiction sont très organisés. C'est des réseaux qui se connaissent, qui se retrouvent ici ou là, qui ont investi certaines revues, etc. Je pense à la revue Hommes et Migrations, par exemple, de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. De l'autre côté, les chercheurs qui travaillent sur une laïcité, avec une laïcité de liberté, hein, de la liberté, à peine s'ils se connaissent entre eux. C'est très étonnant. Donc on a d'un côté un champ organisé, qui est un champ quand même qui fricote très largement avec les logiques réactionnaires, et qui a une véritable offensive politique, et de l'autre côté on a un champ totalement inorganisé, enfin c'est le sentiment qu'on peut avoir en tout cas sur cette question-là. Je trouve ça très troublant, et c'est pour ça que pour moi c'est pas qu'une question seulement de force en présence, c'est vraiment une question de par quelle stratégie organisons-nous la recherche aussi, comme une recherche qui peut avoir des effets sociaux et politiques. Et je pense qu'effectivement, dans l'époque, c'est relativement important. En même temps, je me demande dans quelle mesure c'est pas un effet de perspective. Nous, on est de notre côté, on est faible, effectivement, il y a peu de temps. Et de notre côté, je ne pense pas qu'il soit vraiment aussi dit que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des points de focalisation, effectivement, que vous dites, et il y en a beaucoup qui se retrouvent, mais qui sont complètement différents sur des tas d'autres domaines. Enfin, on prend extrême droite, extrême gauche, enfin, les points qui focalisent ou les trucs genre Soral, bon, c'est complètement minoritaire, évidemment, et ça peut sur un point agréger la droite, l'UMP, des trucs comme ça, mais ça passe pas la barrière. Nous, effectivement, on a l'impression que c'est organisé parce que le tir est nourri de partout, mais ouais. Finalement, c'est des tireurs différents et. Enfin, j'y pense juste là, parce que ce que vous dites, je vous dis... Vous avez raison sur la globalité, je pense qu'il y a des reconfigurations incessantes et pas d'unité. Et je pense que... Je parlais sur le thème de la laïcité, sur un thème comme la laïcité, moi, et de laïcité école, c'est très net que dans cette offensive autour d'une loi qui incrimine, hein, le voile, l'affaire Bibilou, etc., on retrouve d'affaire en affaire toujours les mêmes réseaux. Voilà. Et qui sont des réseaux, par ailleurs, très installés dans un certain nombre de dimensions de l'appareil éducation nationale, par exemple, ou d'un certain nombre d'appareils des institutions. Ça a été le cas au Conseil à l'intégration avant qu'il soit dissous, hein, dans la dernière époque du Haut Conseil à l'intégration, qui réunissait tout un certain nombre d'intellectuels ou de chercheurs qui étaient plutôt sur ce point. Voilà, donc mon propos était moins globalisant que sur cet exemple-là, mais sinon je pense que vous êtes à présent. Pardon. Thank you. et peut-être que justement, de l'autre côté, il n'y a pas de possibilité de s'accorder sur des points sur lesquels on pourrait être d'accord et que justement, il y a des différents appels et qu'on le voit bien. On voit bien même politiquement à l'extrême gauche. Enfin, c'est sûr. Ça se bat aussi fort que l'UMP. C'est vrai que c'est une crise républicaine quand on voit l'émiettement de l'UMP, enfin la crise interne à l'UMP qui est quand même le parti éteint. Donc il n'y a pas de problème, c'est une crise générale. Le PS lui-même, on voit bien qu'il y a des dissidents maintenant qui s'expriment publiquement. Donc l'extrême gauche est très divisée depuis des années, ça c'est un fait connu. Bon, il faut connaître quand même que le front réactionnaire, lui, arrive quand même à s'organiser. Hein. Et donc c'est vrai que ça laisse à réfléchir quand même sur la suite à donner aux événements. Disons qu'ils ont un vrai sens de l'opportunité aussi. C'est-à-dire, si on sait dire un truc comme une opportunité d'agréger les mouvements. Et ça, c'est quand même, stratégiquement, c'est quand même très, très bon, hein. Très, très pertinent quand, en termes d'effets sociaux. Quoi. Mais je dirais que c'est pratiquement... Enfin, si on regarde dans les années 70, j'ai presque l'impression que c'était la même chose avant. Les années 70, hein. Politiquement, effectivement, c'était la droite qui était au pouvoir, mais c'était quand même les idées de gauche qui gagnaient, les idées de... Même, enfin, tu me dis que même la droite à l'époque était luttée contre l'inégalité. Enfin, c'était beaucoup plus à gauche que peut-être quelqu'un comme Hollande. Et bon, les journaux télévisés où les mecs avaient les cheveux longs, enfin, bon, même à TF1, enfin, bon, qui n'était pas encore privatisé à l'époque, enfin, qui n'était pas bien plus progressiste. Et je veux dire, idéologiquement, la partie était gagnée pour les idées progressistes, on va dire, même si la droite était au pouvoir, et là on a l'impression que c'est complètement... ça devient l'inverse. À la limite, on a théoriquement de la gauche au pouvoir, et en fait on n'a jamais été autant... mais depuis Mitterrand d'ailleurs, enfin, qui a remis en scène tout ça. Mais c'est pas nécessairement les échos. Là, je pense qu'il y a aussi un clivage. C'est que ce qu'ont dit un certain nombre de chercheurs, les quelques chercheurs qui ont pris la plume autour de la défense de ces rapports, c'est que, au fond, il y a plutôt pas un consensus sur tout, mais un consensus sur beaucoup de choses dans les sciences sociales qui travaillent sur ces questions-là. Simplement, un écart majeur entre cette espèce de consensus global et la réception possible dans l'espace politique. Voilà. Et là, c'est pour moi une autre facette qui doit nous interpeller, c'est-à-dire au fond, sur la circulation des savoirs et leur réusage dans le champ politique, il y a vraiment une interrogation. C'est bon, ce que je veux dire, à l'instant, ça me fait penser à quelque chose que j'ai entendu il y a pas longtemps, un lien qui en revient, un musicien, et donc sur un des représentants de la CIP, Coordination des intermittents et précaires, et qui disait, donc qui discutait avec le représentant du patronat, enfin du MEDEF, et qu'en aparté, donc en micro, le gars du MEDEF disait: non mais je suis d'accord avec vous, c'est exactement ça qu'il faut faire. D'ailleurs, bon, il y a des groupes de parlementaires qui ont réfléchi, mais bon, idéologie, enfin, moi on me demande d'être contre, et donc la position du MEDEF c'est d'être contre. Ouais. Donc c'est un truc complètement idéologique, et que même si raisonnablement on se met d'accord sur, enfin on est d'accord sur la solution, c'est ça, enfin il faudrait maintenir ce régime, bah non, bon, bah, on ne maintient pas parce que. Donc justement, il n'y a plus de justification, même, je dirais presque pratique, quoi. C'est posé là comme ça. Sans... On a l'équivalent sur les prisons, hein. C'est... consensus global, y compris des parlementaires, sur le fait que la prison ne sert à rien et produit de la délinquance, voilà. Mais voilà, on est dans un moment répressif, quoi. Vraiment. On est dans le moment répressif ou le moment réactionnaire sur les cas. Voilà. Et personne n'ose transgresser cette norme-là. C'est très étonnant. Parce que c'est très rigolo, si on prend les rapports très opportunistes des propos politiques, Jean-François Copé parlait du multiculturalisme il y a un an, qui décrivait quasiment nos propositions. Et puis évidemment, l'opportunité politique faisant, il était très intéressant de dire exactement le contraire. Donc c'est pas une question idéologique au sens de classique, hein, d'une espèce de croyance vraiment profondément ancrée. On est plus dans un jeu politicien pour maintenir un consensus globale, quoi. Et c'est là qui m'amène, on revient à dire, il y a vraiment un consensus d'élite partagé dans le champ politique, etc., et avec les médias, qui est très étonnant parce qu'il fonctionne de moins en moins bien dans l'analyse réelle de la société, quoi. Mmh. Voilà. Mmh. Un décrochage qui est quand même très très étonnant. Mmh. La phrase de Kadi que j'ai en signature, c'est la réalité, c'est ce que, même qu'on ne croit pas, est encore là. Et je pense que un jour elle va arriver. Et ça a été une grande surprise tout de même, la réception là, de ce fameux document, l'ABC. Là, de l'égalité. Ça a été, voilà, ça a été pris comme une propagande. Comme ce qu'il est indiqué comme étant, oui, un bourrage de crâne lié à une pseudo-théorie du genre qui dirait que l'on ne naît pas garçon-fille et qu'on le devient. Et donc, voilà. Et c'est quand même parmi cela été dit, la journée de retrait dans les écoles pour protester contre ça est suivie dans les communes plutôt populaires. Et donc avec donc des parents issus de... Et pour beaucoup dans les réseaux musulmans. Oui, voilà, musulmans, absolument. Et donc avec aussi, une jonction entre la communauté musulmane et des groupes ultra-catholiques. Mais moi, il me semble, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a quand même une limite de la pensée française là-dessus. Hein. Mmh. Moi, je pense qu'il y a un relativisme excessif. Parce que l'histoire de « on ne naît pas garçon-fille, on le devient », mais c'est une forme de relativisme qui est quand même excessif. Et c'est ce que disait Beauvoir. Mais toutes les femmes ne sont pas forcément d'accord avec Beauvoir là-dessus. Pour dire qu'on ne naît pas femme, on le devient. Mais je trouve que c'est ridicule, moi, personnellement. Je pense qu'effectivement, quelqu'un comme Agassi a une position beaucoup plus équilibrée, qui est justement d'articuler nature et culture, biologique et culturelle, bien entendu. Et d'ailleurs, c'est un compost, c'est un mixte des deux. Hein, la culture de genre, finalement, c'est une association de réalité physique et culturelle. D'ailleurs, il est clair qu'il y a un distinguo entre les SHS et les sciences biologiques à ce propos, puisqu'il y a des biologistes qui démontrent qu'il y a quand même des éléments genrés au niveau des différences de genre. Par exemple, même au niveau cérébral, au niveau neuronal ou cérébral, il n'est pas impossible qu'il y ait des différences objectives. En fait, il y a le même débat au sein de la biologie, et la biologie qui montre que, y compris la biologie, que la nature est une construction, et que la génétique est une construction également. Donc, en fait, la biologie ne paraît absolument pas trancher ce débat-là. Ah, oui. Donc, c'est pour ça que même au niveau de l'expérimentation du programme SVT, on peut comprendre qu'il y a eu des protestations, puisqu'on n'a pas encore abouti au niveau de la recherche, justement, de genre à ce niveau. On ne sait pas ce qu'il en est des différences objectives. Donc, on ne peut pas plaquer comme ça des vérités. Et donc, par exemple, là, il y a Najat Belkacem qui a pourtant des excellents objectifs contre les discriminations, personne ne peut être contre. Mais arriver finalement à dire que les stéréotypes, quand on combat les stéréotypes, on combat aussi finalement plus ou moins les différences de genre, non ? Il n'y a pas d'indifférenciation de genre. Moi, je comprends parfaitement que des musulmans, ou des catholiques, ou des laïcs s'opposent à cette vision relativiste et anti-essentialiste, finalement, au nom de l'anti-essentialisme, finalement, de les différences de genre. Personne ne dit qu'il n'y a pas de différence. Pour ma part, je n'ai pas du tout la même position que vous ça. D'accord. Mais je ne sais pas si c'est le lieu de ce débat-là. Pour ma part, ce qui me semble très préoccupant, c'est que face à cette question qui est légitime, y compris eu égard à la discussion et aux différences de position, la stratégie du gouvernement et du ministère de l'Éducation nationale, c'est d'effacer le mot genre de tous les sites internet. Oui, c'est extraordinaire. Tout à fait. La seule réponse qu'on a fait, c'est-à-dire on ne peut pas assumer un choix à un moment donné qui est de dire voilà, on veut poser ça. Ça, c'est quand même très troublant, je trouve. Absolument. Parce qu'il y a des professionnels, c'est peut-être pas le cas de tous, mais il y en a qui sont prêts à discuter avec les parents. Et ces questions des parents sont légitimes, même si elle résulte d'une grosse manipulation tout à fait aberrante. Derrière, il y a des vraies questions légitimes sur ce qu'on enseigne à l'école. Il y a aussi, à mon avis, des limites au niveau de la recherche en sciences humaines et sociales. On a été trop relativiste. Et disons qu'il y a, en France une indifférenciation qui vient de cette République, justement. Quand on parlait du combat anticommunautariste, pourquoi ? Parce que nous sommes dans une République de citoyens. Nous sommes dans une République d'individus, qui est d'ailleurs fondée aussi sur une vision d'universalisme abstrait. Hein, l'État, le citoyen, il n'y a pas les éléments intermédiaires qui s'appellent les régions, les cultures, les communautés. On le bannit de notre logiciel. Et donc, à ce niveau-là, il n'y a pas non plus de communauté de genre. C'est d'ailleurs pour ça que le mouvement féministe n'a pas pu vraiment progresser en France. Et que, par exemple, des femmes politiques peuvent être parfaitement isolées dans leur exercice parce qu'elles n'ont pas la solidarité sur une communauté par derrière qui dirait écoutez, arrêtez vos discriminations de genre à l'égard d'une telle ou d'une autre. Et donc, voilà. Au nom de cet anticommunautarisme, on gomme les cultures de genre en France. Et donc c'est pour ça qu'on est arrivé à un combat contre les stéréotypes de genre qui a abouti à finalement diluer les cultures de genre. Alors que c'est ce qu'il faudrait mettre en œuvre maintenant. Et mettre en œuvre le dialogue de cultures de genre. Et en sachant que ces cultures de genre, elles sont sur une base d'acquis et d'innés, et au milieu, bien sûr, la liberté de l'individu, homme ou femme, de se construire comme il l'entend par rapport aux données culturelles. Voilà. Mais je ne vois pas du tout à qui ou à quoi vous faites référence quand vous parlez des différenciations. Je ne vois pas qui parle de la différenciation de genre. Je ne connais pas de travaux. Interministériel qui parle de ça. La différenciation de genre. Une formule maladroite. Mais c'est vrai que Belkacem, dans l'ensemble, est très correct. Hein. Mais il y a eu quelques dérives de discours. Mais il y avait un propos qui, quand même, assimilait les stéréotypes à des traits identitaires de genre. Alors que ce sont deux choses différentes. Les stéréotypes, ce sont finalement des visions déformées, des traits identitaires de genre, qui sont des traits construits, à la fois de l'ordre de l'inné, hein, mais aussi construits. Donc on ne peut pas assimiler les Excusez-moi, mais prenons-le sur le plan ethnico-racial. Quand on dit que les musulmans sont des terroristes, bon, d'accord, on est sur un préjugé. En quoi est-ce qu'il est lié à une identité culturelle des musulmans ? Justement, il y a quand même une Je ne vois pas la définition d'une stéréotype comme fondée, si vous voulez, en essence, me paraît... Et justement, c'est ça, au niveau de la pensée française, on a du mal à accéder à la question, effectivement, des cultures communautaires. Pourtant, c'est des questionnements, comme on disait dans le film Entre les murs, des questionnements anthropologiques que posent les publics. Ils veulent savoir qui ils sont, mais les éducateurs que nous sommes n'arrivons pas à leur fournir les réponses substantielles qui conviennent. Et il faudrait arriver à dire qu'effectivement, chaque culture a ses points forts et ses points faibles. Et on ne peut pas nier que la culture arabo-musulmane, elle est très forte au niveau de sa conception de la foi, par exemple, de l'hospitalité. Il y a des valeurs cardinales en termes arabo-musulmanes, mais que l'ombre du système, c'est parfois une agressivité un petit peu. Bon, voilà. Chaque culture ayant ses ombres et ses lumières. Et rien n'empêche de dire que la culture franco-occidentale est quand même fondée sur l'individualité, l'état de droit, avec les limites qu'on peut connaître en termes de vision communautaire, par exemple. C'est cette construction-là, anthropologique, qui manque actuellement dans l'éducation nationale. Je pense qu'on a une ligne de clivage très importante, qui est autour de... qui pour moi, c'est-à-dire dans l'usage même du concept de culture, qui est un usage essentialiste du concept, ou pour partie essentialiste du concept de culture, qui moi me paraît vraiment poser fondamentalement problème. La question de l'état de droit n'est pas une question culturelle, elle est une question d'abord juridique, comme son nom l'indique, qu'après cet ordre juridique ait des effets sociaux et ait des effets identitaires. Oui, d'accord, est-ce que c'est ça qu'on appelle une culture ? Ça mérite d'être discuté, mais du coup je ne vois pas de fondation essentielle dans cette affaire-là. Une culture politique. Je vois des effets historiques, et je vois des effets... La France a une culture politique particulière. Des effets d'institution. Elle est tout à fait particulière dans cette culture politique-là, d'avoir mis en avant la notion d'État et la notion d'individu. Et on voit bien la dérive que ça donnait, c'est Sarkozy, l'État, c'est moi. Or, justement, il y a des éléments intermédiaires qui s'appellent les régions, hein, les régions historiques. Ça s'appelle les communautés immigrées, ou les communautés, bien entendu, religieuses. Ce sont tous ces éléments qui constituent la nation. Et donc, dans la mesure où nous en sommes restés à une vision quand même structuraliste, hein, je pense, juridique et structuraliste de la culture politique, nous n'avons pas pu intégrer ces éléments substantiels-là. C'est pour ça que dans le débat sur l'identité nationale, nous en sommes restés à des choses très abstraites, d'ordre structurel et effectivement juridique, et d'ailleurs liberté, égalité, fraternité, telles qu'elles peuvent s'inscrire dans la loi. Et donc nous ne répondons pas sur le plan substantiel au questionnement des élèves. Moi j'ai l'analyse inverse, oui. Sur le plan ontologique, c'est la question ontologique. J'ai l'analyse inverse, c'est-à-dire que liberté, égalité, fraternité, d'accord, c'est un discours juridique, mais c'est un discours juridique formel qui justement n'est pas traduit. C'est-à-dire, justement, ne fonctionne pas comme une norme politique. Et il me semble que le discours substantiel, il est très lié, que vous avez, je ne sais pas ce que vous mettez d'ailleurs sous substance, hein, mais je pense qu'il est très lié précisément à ce déficit d'une application normative effective de ces principes-là. Parce que si ces principes avaient été appliqués, valaient comme des principes de droit au sens normatif, pour le coup, descendaient au niveau normatif du droit, ils nous permettraient précisément de régler un certain nombre de demandes de reconnaissance ou de principes d'aménagement. Ce qu'on disait tout à l'heure sur la souplesse de la loi, enfin, en réalité, dans des formes d'aménagement. Donc, moi, je ne sais pas ce que vous mettez sous le terme substantiel, mais je... Il me semble que la question fraternitaire, justement, présuppose la question substantielle. Et c'est bien pour ça qu'on a du mal à rendre opérationnel ce troisième concept, parce qu'on ne sait pas lui donner un contenu. Or, le contenu, c'est d'arriver à fraterniser sur des valeurs différenciées, d'arriver à comprendre la différence de l'autre dans ses valeurs, dans la manière dont il construit ses valeurs différemment des miennes, de les accepter, pourquoi pas de les accueillir en tant que tels. Je pense qu'on est là dans une perspective substantialiste. Et bon, il y a des gens comme Touraine. Moi, je pense que Alain Touraine, c'est un de ceux qui a pas mal construit là-dessus, sur justement l'interculturel de genre et d'origine. Et il n'a pas tellement travaillé sur le substantialisme, mais la question fraternitaire, je crois que c'est un de ceux qui a été les plus clairs là-dessus. Et là, j'ai retrouvé la citation de, je pense, c'est Belkacem, hein, Comité interministériel des droits des femmes, 2012. Donc, il est dit « Ces inégalités, donc de genre, hein, ne sont ni le fruit du hasard, ni d'une sorte de soi-disant gène féminin qui ferait apprécier aux femmes davantage qu'aux hommes les tâches ménagères ou qui leur ferait craindre les responsabilités politiques ou d'entreprise. Non. Notre société, si elle veut avancer, doit en finir avec les inégalités entre les sexes, avec les stéréotypes, avec les préjugés. » Mais, bien entendu, mais dans ce melting pot, il y a un mélange entre les stéréotypes et les traits identitaires de genre. Et c'est ce qu'il faut arriver à faire ressortir. Et justement, moi, il me semble que les cultures du Sud sont davantage axées sur ces traits identitaires de genre. Et ils les conservent en eux. Parce que c'est la trame même des cultures. Parce que si nous laissons filer ça, ce contenu substantiel, nous allons être réduits à des coquilles vides. Nous allons être réduits à une psychologie, effectivement, de base, intérêt individuel qui sera vidé de sa substance. Et donc ils nous mettent en garde, et je pense qu'ils ont raison, de nous mettre en garde sur les dérives franco-occidentales en termes de désubstantialisation. Vous citiez Achille Mbembe tout à l'heure, c'est pas sa thèse, hein, pour le coup. Enfin, ça me paraît difficilement compatible pour le coup. Avec qui, j'ai pas compris. Achille Mbembe, que vous citiez tout à l'heure, mais sur la question de la substance, il me semble, enfin, je connais déjà son travail, mais oui, je pense pas que ça. Mais justement, je ne crois pas que ce soit ça sa construction théorique du tout. Moi, je pense qu'il y a un vrai. J'entends le point de vue, mais moi, il me paraît très lié à un discours qui a une histoire dans l'institution scolaire, par exemple, autour de l'interculturel, hein, autour de l'ethnopsychiatrie, et qui, du coup, a marqué aussi cette institution, y compris dans son organisation. Tout ce qui le registre depuis 1970, des classes d'initiation, des CFISM, etc. Ouais. Et moi, je serais intéressé pour beaucoup entendre votre trajectoire, si elle a un lien ou pas avec cette histoire-là, parce que pour ma part, j'en ai une lecture beaucoup plus institutionnelle de ces effets. Je pense que nous avons là ce que moi je parlais plutôt des effets d'institution que des éléments de culture substantielle. Ouais. Oui, mais il me semble que des travaux tels que ceux d'Abdallah Pretzel vont dans ce sens-là. Si on veut aller vers l'altérité, on est obligé d'envisager les valeurs de l'autre et la manière dont l'autre construit son vécu, son être. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'elle en ait une... Enfin, ça a été mérité à discuter. Pour le coup, je ne connais pas suffisamment ces travaux pour rentrer là-dedans, mais reconnaître les valeurs de l'autre ne présuppose pas que ces valeurs doivent être substantielles. Vous voyez, on n'a pas besoin de recourir à la question de la substance pour poser la question que j'entends politiquement parlant, c'est-à-dire notre capacité de la rencontre. Parce que moi, je pourrais le formuler, bon, par exemple, en ce terme-là. Moi, je pense que le problème, c'est le problème du comparatisme. D'ailleurs, la littérature comparée fait partie des composantes exclues de l'enseignement du français et des lettres, parce qu'elle présuppose un deuil narcissique. Quand on compare, automatiquement, on a une confrontation d'ego, hein, des égos collectifs, individuels et autres. Hein. Il faut bien sûr arriver à voir les ombres et les lumières de chacun. Or, l'interculturel porte sur le comparatif. On ne pourra pas évoluer en France et en Occident sans comparaison. Et donc, à ce titre-là, le dialogue des cultures est un recours opératoire et qui amène à dire, à identifier les manières d'être de l'autre et de soi-même. Il faut bien arriver à dire à un moment donné que la culture arabo-musulmane, c'est quand même le sens de l'hospitalité, un sens de la foi très ancré, et par ailleurs, bon, une tendance guerrière affirmée, bon ben voilà, ils en sont très fiers d'ailleurs, hein, et le djihad pour eux, c'est quelque chose de très important. Alors qu'il y ait des dérives du djihad, c'est comme ça, c'est la vie. Et de même, qui nous empêche de définir notre identité principale, bien entendu, sous les formes d'une individualité rationalisante, axée sur un état de droit ou des choses, c'est tort. Personne ne nous empêche de le faire, si ce n'est effectivement une espèce de carcan épistémologique qui nous fait dire que non, il faut en rester en deçà, au niveau des valeurs républicaines abstraites. Je pense que notre débat il est limité par un biais qui, pour le coup, est très structuré, très, très structuré dans le débat français, autour d'une lecture binaire. C'est-à-dire, soit on est dans le multiculturalisme, soit on est dans le républicanisme. Or, et je pense que c'est une des difficultés pour le rapport qu'on a rencontré, c'est-à-dire que le rapport propose, je ne sais pas si c'est une troisième voie, mais il propose une autre manière de formuler les choses. Et j'entends quelque part vous opposer ces deux-là, mais pour comparer, nous n'avons pas besoin de présupposer que l'autre a une différence qui soit essentielle, ou naturelle, ou première, ou primordiale. Je ne vois pas en quoi nous avons besoin de présupposer ça. Donc je ne vois pas le lien que vous faites entre la défense d'un comparatisme ou de la logique de l'altérité et de la rencontre de l'altérité, ce en quoi je peux tout à fait adhérer, avec la nécessité d'une fondation de cette altérité en essence. Ou en substance, comme vous dites, je ne vois absolument pas. Rien ne le justifie, si vous voulez. Mais moi, moi, ce qui me pose problème, je vous parlez de substance, sens. Mais moi, ce qui me pose problème. Je pense que nous sommes en voie de désontologisation à la société française, et pour toutes les raisons suivantes. D'abord, parce qu'on a trop axé sur l'individualité, donc on est dans l'individualisme atomisant. Que par ailleurs, on est dans des formes de laïcité fermées, ce qui fait qu'on a coupé les voies de formes de spiritualité, parfois détachées du religieux. Donc ce sont des voies quand même d'émancipation, hein, pour ceux qui le souhaitent. On a coupé aussi le lien ombilical avec les longues cultures régionales, qui font partie quand même du terroir national. Donc la France est particulièrement menacée par les phénomènes de désubstantification, qui ne sont pas directement liés à l'essence des choses, mais à l'ontologie, à l'être national en tant que tel. Donc moi je ne me situe pas en termes d'inéité, je me situe en termes de culture. Donc il y a un danger réel. Et c'est vrai que ça nous demande, à mon avis, de réorienter des recherches, des études, vers une resubstantification. C'est pour ça que le projet de loi, enfin la loi d'orientation, a eu raison de remettre en scène un peu les langues culturelles régionales, par exemple, qui font partie de ce panel substantiel, où là, il y a des valeurs en action. Hein, est-ce que c'est pas parce que justement, il y a deux niveaux... Via le niveau républicain, effectivement, c'est le niveau, on va dire, de relation avec les autres dans le cadre de l'État ou du français, quoi. Et le côté régional qui était encore présent jusqu'à, on va dire, il y a peut-être 30 ans, 40 ans, et que ce niveau-là, lui, il est balayé par le libéralisme qui, lui, attaque au niveau le plus bas, pas au niveau républicain, comme ça, mais il attaque au niveau de la morale. Enfin, la morale du libéralisme, c'est justement pas de morale. Et la morale qu'on apprend dans la famille, dans la culture, dans son village, c'est là qui est cassé. Donc effectivement, c'est là que ce que vous dites sur il nous manquerait justement ce côté vous appelez substantiel qui serait la culture familiale qui est en train de nettoyer par le libéralisme ambiant. Mais par contre, le côté républicain, effectivement, lui, il surnage aussi. Il n'y a pas besoin d'être attaqué complètement, au moins au niveau moral, au niveau égalité, l'égalité et la liberté restent, la fraternité, effectivement, moi, n'étant pas très fin connaisseur des questions du néolibéralisme, hein, oui. Moi, ce qui m'apparaît quand même, et c'est particulièrement à l'école, c'est particulièrement flagrant, on parle beaucoup de la question du néolibéralisme à l'école, je pense que la situation est pas tout à fait celle-là. Et je pense qu'en France, ce qui est quand même, si je prends les travaux de Bruno Jobert sur le tournant néolibéral, ce qui est quand même très troublant en France, c'est que l'introduction du néolibéralisme se fait par l'État. Se fait par les hauts fonctionnaires de l'État, selon cette thèse. Et on n'est pas du coup dans un libéralisme extérieur, pour le dire comme ça. Ce qui veut dire, de façon concrète, qu'en même temps, ce néolibéralisme est matiné de républicanisme, et qu'il y a une espèce d'alliance entre les deux. Qu'on retrouve après dans l'école, moi j'ai travaillé, j'ai fait ma thèse sur les questions de stage à l'école, de stage de discrimination dans les stages à l'école. Pardon ? Au lycée. Lycée professionnel, mais y compris en troisième, y compris les stages d'enseignants, etc. Enfin, qui s'est diffusé, ce modèle s'est énormément diffusé, et avec effectivement cette logique néolibéraliste qui a été à la fois rattrapée par une logique gestionnaire, hein, pour le coup, une espèce d'économicisme gestionnaire et non pas néolibéral en tant que tel, et toujours matinée, il y a toujours une espèce de compromis comme ça, avec la logique de préserver la logique républicaniste. Et alors ça donne des choses tout à fait étonnantes, c'est on organise une cérémonie entre le MEDEF et l'État, dans la chambre de commerce de Toulouse, d'ailleurs je crois que c'est de Toulouse effectivement, pour une communication publique sur ça, et donc tout se passe à la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, tout est organisé par le MEDEF, sauf qu'après le MEDEF invite à un dîner républicain. Voilà. Donc, une espèce de célébration comme ça qui essaye de maintenir finalement ce double discours-là. Et donc, pour moi, c'est pas forcément je ne sais pas si c'est le libéralisme qui préserve du coup le républicanisme, qu'en France, une espèce de compromis par le haut, par les élites, au fond de cette logique-là, et qui du coup attaque peut-être effectivement ou cible peut-être prioritairement par ailleurs. Bon, ceci dit, la critique de l'État et la déstructuration de l'État elle a quand même été assez intensive pour le coup. Hein. J'utilise abusivement le terme de néolibéralisme, je parlais plutôt d'une morale néolibérale. Par exemple, je cite un exemple d'un site qui incite dans un collège de banlieue, avec des mômes par là, et que le môme dit « moi je veux pas être un site plus tard, ça gagne pas ». Voilà, c'est ça. Ouais. C'est moral de l'argent, quoi. C'est il n'est pas néolibéral, ouais, simplement ouais. C'est un discours qui est justement le fait que il n'y a plus rien qui tient, quoi. Enfin, c'est... Moi, je... Le môme sera évidemment chômeur, Moi, j'ai tendance à suivre l'analyse de Foucault, quand il fait la distinction entre libéralisme et néolibéralisme, en disant le néolibéralisme, c'est la régulation. Le libéralisme, c'est la régulation par le marché. Le néolibéralisme, c'est la régulation par la concurrence. Et ce qui retrace finalement, à partir entre les années 50 et 70, c'est l'arrivée de cette question de la concurrence. Et de ce point de vue-là. L'école est dans une situation, à mon avis, ambiguë, parce que d'un côté, de façon très ancienne, cette logique de la concurrence structure l'école, et elle est très compatible avec le mérite de la question de la méritocratie. Donc, d'un certain côté, l'école est tout à fait perméable et réceptive à cette logique de la concurrence, et de façon bien plus ancienne que le néolibéralisme, proprement dit. Et d'un autre côté, il y a une espèce, par le compromis républicain néolibéral, une espèce de préservation qui fait qu'à mon avis, l'institution scolaire a moins de pénétration de néolibéralisme, proprement dit, que d'autres univers sociaux. Voilà. Donc, après, plus généralement, je ne pourrais pas, je me laisse pour l'école, mais plus généralement, je ne connais pas suffisamment. Au niveau des morales individuelles et des comportements dans la famille, dans l'entourage, dans la vie. Et c'est ce que vous disiez sur le fait qu'en France, il y a l'État et l'individu. Effectivement, c'est l'État et l'individu, c'est des attractions. Et le vrai de la vie de tous les jours, des relations, tout ça, a disparu, à mon avis, à cause de l'organisation sociale, du boulot, du travail. Mais là encore, et pour moi, à mon avis, c'est là que j'entends ce qu'on dit, c'est l'intérêt de ce qui était appelé les corps intermédiaires, etc., dans la production et l'identification et de solidarité, etc. Pour moi, il n'y a aucun doute, mais les travaux d'historiens, par exemple, sur l'école et les petites patries de Jean-François Chanet montrent, par exemple, que la construction de l'école républicaine, elle s'est faite toujours avec des compromis avec ce qui s'appellerait aujourd'hui les communautés. Donc, on a eu un discours très radical qui présentait l'école comme l'école de l'arrachement complet des individus à l'égard des dites communautés ou des dits corps intermédiaires, qui en réalité est beaucoup plus relatif que ça. Ouais, non. Donc d'ailleurs c'est sur ça que s'est appuyé aussi, il me semble, une partie du discours des années 70. Je lisais dans les années 70-80, on avait autour de ce que vous dites une littérature relativement abondante, y compris sur l'école, qui ont été les premières critiques des curricula scolaires, en disant on parle de la nation avec l'unité, alors que les nations sont bien antérieures et peuvent avoir, selon certains auteurs, un caractère substantiel. Et en fait, y compris si ce discours prospère, c'est bien parce que en fait, on a toujours composé avec des corps intermédiaires, en réalité, tout en tenant un discours global. Et là, pour moi, on est dans quelque chose qui, à mon avis, se répète dans l'histoire française, c'est-à-dire un discours apparemment très pur, comme ça, du modèle français, et une réalité, y compris juridique, qui a toujours été des compromis. Donc je pense que si on descend au niveau de l'analyse des mécanismes concrets, on ne peut pas s'en tenir à opposer ce grand discours pur, vous voyez, à quelque chose qui changerait aujourd'hui. Je pense que les changements sont à lire autrement. Oui, alors, il me semble bien sûr que les, par exemple, les langues culturelles sont en grand danger pour certaines. L'occitan en particulier n'est quasiment plus une langue d'usage. Il faut bien comprendre, pour prendre cet exemple qui est quand même très parlant, quand les langues cultures qui sont limitrophes, qui sont frontalières, peuvent s'appuyer sur les pays étrangers, qui sont très largement plus décentralisés ou fédéraux que le nôtre. Donc ce sont la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Espagne, même l'Italie. Donc ils s'appuient là-dessus, c'est se déroulé. Donc le catalan et le basque ont une vitalité, ou même le breton, que ne peut pas avoir l'occitan, qui malgré l'importance de son territoire est isolé, n'a pas d'appui extérieur. Donc les compromis, ils ont quand même évolué en fonction de l'histoire, en fonction du rapport des forces. C'est parce que l'Union européenne a favorisé donc l'Europe des régions aussi, que la France, étant quand même le seul pays centralisé comme ça, centralisé, autoritaire, a été obligée de décentraliser, ça a été la loi Gaston Defferre, et donc grosso modo, les langues ont au moins un statut de langue de culture. Donc elles restent à flot, sans se maintenir forcément comme langue d'usage, donc le péril est réel. Mais pour autant, il y a véritablement une volonté de faire remonter quand même ces contenus culturels pour pouvoir aider le pays quand même à se maintenir à flot. Parce qu'il faut bien reconnaître que la crise républicaine, elle est sérieuse. Quand on voit que des partis de gouvernement, des partis d'État tels que l'UMP se décomposent à grande vitesse, que le FN est ce qu'il fait, ça montre bien quand même que le modèle républicain est en fin de cycle. Et que donc il faut inverser la tendance. C'est pour ça que maintenant les communautés, apportent leur note un peu dans ce concert, pourrait-on dire. Et moi, je pense qu'il faut vraiment s'en féliciter. Parce que justement, aucune d'entre elles ne veut de toute façon attenter à la souveraineté nationale, par des voies de séparatisme quelconque. Et donc, on a tout intérêt à les valoriser. Parce que là, pour les jeunes qui sont en construction, mais quel modèle ont-ils ? C'est ça. Quand ils voient une partie de la classe politique qui est corrompue, qui n'a que la justice et les journalistes pourchassent à longueur d'antenne, il faut les deux prétoires, il faut quand même voir la réalité en face. Hein. Et donc un système scolaire qui effectivement est en voie d'épuisement, dans beaucoup de cas, on a intérêt à reconstruire, et donc sur des bases effectivement substantielles. Parce que justement, ça a été l'erreur par exemple du gouvernement socialiste de ne faire que dans les questions de moyens. Alors ils pensent que parce qu'on va construire les SP, qu'on va donner 60 000 enseignants personnels en plus, on va résoudre le problème. Non. Le problème majeur, c'est d'abord un problème de mentalité. Il faut arriver à construire des mentalités qui permettent de tenir la route. Et on peut avoir des établissements flambant neufs, où là, les incivilités, les violences, alors là, tour de bras. Donc c'est un paradoxe dans lequel on est dans de très nombreux établissements scolaires. C'est pour ça que la question culturelle est vraiment prévalente, quoi. Moi, je pense qu'il faut qu'on interroge en même temps les catégories par lesquelles on nomme. On parle des communautés, mais moi, je suis plutôt assez weberien sur ce plan-là. C'est-à-dire la communauté ou la communalisation. Le moteur de la communalisation, c'est un processus subjectif, pathétique, dit-il. Pathétique au sens du pathos, et pas substantiel, précisément, enfin, dans sa lecture. Et il me semble que qu'il y ait dans cette identification-là, l'incorporation d'un certain nombre d'éléments qu'on pourrait appeler substantiels, c'est-à-dire comme éléments identitaires auxquels on se réfère, ça je veux bien entendre. C'est-à-dire l'identité n'est pas flottante sur rien du tout, elle s'accroche à des choses, tout à fait. Mais par contre, on ne peut pas en faire pour autant ces éléments-là comme substantiellement constitutive de l'identité. Les travaux, par exemple, sur les questions d'identification et d'identité ethnique, le travail de Barthes sur les frontières ethniques montre très nettement qu'on est dans des reconfigurations des dynamiques identitaires qui peuvent changer de système de référent, de point d'appui substantiel, selon les moments, les époques, les groupes, etc. Donc, moi, ça me paraît très problématique d'aborder ces questions-là à partir d'une lecture qui pose la substance comme élément premier. Et du coup, presque quasiment, enfin, ce que j'entends, je projette peut-être, hein, mais j'entends comme élément quasi fondateur de l'identité. Je pense que c'est, le lien est inverse en réalité. Alors, disons que ça a été justement le clivage entre la notion d'identité et d'appartenance. Bon, alors, moi, je veux bien accepter le mot d'appartenance. Si le terme identité peut avoir une connotation essentialiste ou inéiste trop importante, ça ne me gêne pas du tout de parler d'appartenance culturelle dans leur caractère dynamique, évolutif, etc. Mais pour autant, il ne faut pas réduire l'appartenance à la construction individuelle. Et ça encore, c'est une dérive française de la République des citoyens. L'appartenance, c'est une construction aussi collective, communautaire et intercommunautaire. On se met d'accord, hein, communautairement parlant, sur des valeurs commune à un moment donné de son histoire. Alors là, le mot d'appartenance peut être intéressant, mais il est très, trop souvent galvaudé dans le sens d'une espèce de zapping culturel qui ferait que chaque citoyen, voilà, comme à sa télévision, va choisir ce qui est bien, ce qui est vrai aussi. Il a le droit de choisir une valeur musulmane qui lui plaît, une valeur catholique, pourquoi pas, une valeur laïque. C'est vrai qu'il fait ce travail-là. On est dans un travail, au sens positif, de zapping culturel individuel. Et c'est très bien. Mais au-delà, il y a des appartenances collectives qui ont quand même une forme de structuration et de solidité, même si elles peuvent évoluer, bien entendu, au cours du temps. Mais justement, il faut faire très attention à ces questions de mobilité, parce que le néolibéralisme veut nous entraîner dans une tourmente, justement. Et dans cette tourmente-là, évidemment, lui, il va imposer ses propres lois. Nous avons besoin de repères stables, et les publics encore plus. C'est pour ça qu'on a besoin de leur donner des repères, à mon avis, stables. Moi, je défendrais plutôt une thèse, c'est-à-dire qu'on a grandement besoin d'apprendre à travailler avec l'incertitude. Hein ? Et à travailler avec la conflictualité, précisément. Oui, non, mais en même temps, c'est pas du tout les mêmes dynamiques. Et l'un et l'autre peuvent être tout à fait antagonistes. Ouais. Et je suis d'accord sur la critique globale que vous faites du néolibéralisme, c'est-à-dire de cette logique, hein, c'est-à-dire d'attaquer les normes, d'attaquer les repères, etc. D'accord, mais d'abord, je pense que c'est pas que l'effet du néolibéralisme, ce que je disais tout à l'heure, hein, il y a une espèce d'articulation entre une logique gestionnaire néolibérale, républicaniste en France. Donc on ne peut pas prêter ni au républicanisme ni au néolibéralisme. Il y a un composé assez particulier, hein, pour le coup. Et pour moi, par contre, un des effets de la du néolibéralisme, c'est effectivement de nous mettre dans une incertitude. Voilà. Une incertitude qu'on veut productive, d'une certaine façon. Hein. La mobilité, etc. Mais paradoxalement, c'est que de cet changement quasiment anthropologique, je pense qu'on peut apprendre un certain nombre de choses. Y compris de l'incertitude et de la mobilité, etc. Voilà. Qui sont, c'est-à-dire qu'on peut réinvestir sur des formes de lutte ou de résistance ou de réinterprétation par rapport à ce que le néolibéralisme convoque. Quoi. Voilà. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de repasser par des identités. Des appartenances. Ou des appartenances, d'accord. L'adaptabilité n'est pas qui soit substantielle. La connaissance de ses propres cultures, parce qu'on n'a pas qu'une culture unique. On a plusieurs cultures, et ça, l'ère de la complexité dont nous parle Morin, c'est que nous sommes à plusieurs strates culturelles, hein, voilà, de genre, social, disciplinaire, culturel, d'origine et compagnie. Donc voilà, et donc c'est un mixte complexe à gérer pour chacun, pour chaque citoyen, et aussi à l'échelle communautaire et intercommunautaire. Et donc c'est ça qu'il faut que le système éducatif arrive à aider à gérer. Et c'est pour ça qu'il nous faut des outils qui sont, à mon avis, d'ordre anthropologique et sémiologique. Je pense que c'est les deux disciplines qui peuvent répondre à ces interrogations-là. Alors effectivement, ça dépasse nos spécialités. Moi, je suis en lettres, je vais recourir à des outils qui sont étrangers à ma spécialité. Mais on est obligé, hein, pour connaître nos limites. On conclut sur cette phrase. En vous remerciant. Merci à vous de votre invitation. Merci.